Salut à toutes et tous, la tribu. Je suis ravi d'être avec vous pour cette 44e Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Je voulais vous remercier d'être aussi nombreux à nous suivre chaque semaine et merci de porter votre attention. C'est l'heure du rock'n'roll. On commencera cette émission avec Exodus et My Last Nerve. C'est sur Blood In, Blood Out, sorti en 2014. On peut entendre aussi Black 13, Body Harvest et Food for the Worms. Je diffuserai ensuite Stay One Jump Ahead de Killing Joke. C'est sur Outside the Gate, leur 7e album sorti en 1988. On retrouve aussi My Love of This Land, The Calling et America notamment. On s'écoutera ensuite Police d'Alborosi. C'est sur Soul Pirate, sorti en 2008. On peut entendre aussi Diversity, Kingston Town et Herbalist, entre autres. Si on s'écoutait Electra Star d'Indochine, c'est sur l'album Paradise, sorti en 2002. On peut entendre aussi Paradise, le cultissime J'ai demandé à la lune et Un singe en hiver notamment. Et on finira ce bloc en live avec les Red Hot Chili Peppers et l'excellent Californication. C'est sur le live à Hyde Park, sorti le 26 juillet 2004. C'est le premier album live des Red Hot. On retrouve aussi Can't Stop, By the Way et Purple Stain, entre autres. Pressure at the dreadlock, dreadlock. passports and me guns. No, you no need no answer. Cause Rastafari no like no CIA. Cause Rastafari burn down the air. Love and joy we are praying. Vous êtes dans cette 44e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon chaque semaine à la même heure. On vient de se faire My Last Nerve de Exodus, Stay One Jep Head de Killing Joke, Police d'Alborosi, Electra Star d'Indochine et Californication en live des Red Hot Chili Peppers. On poursuivra cette émission en live avec les Who et le grand classique Pinball Wizard. En live, c'est sur l'album Tommy, sorti en 1969, adapté au cinéma en 1975. Et ce film contient une version de cette chanson, donc Pinball Wizard, avec Elton John. On peut entendre aussi It's a Boy, Amazing Journey et Tom, Can You Hear Me notamment. Je diffuserai ensuite Baby Hates Me de Denko Jones. C'est sur Sleepy Is the Enemy, sorti en 2006. On retrouve aussi She's Drug, The Finger et Sleep Is the Enemy, entre autres. Si on se faisait péter un Israel Vibration méconnu, je sais que vous appréciez beaucoup le trio qui aujourd'hui n'est plus qu'un duo, alors ce sera Struggling Youth, c'est sur On The Rock, sorti en 1995. On peut entendre aussi Ambush, Rebel For Real et Rude Boy Shuffle, entre autres. Je diffuserai ensuite Dead Man Walking de Body Count, c'est sur Violent Demise Last Days, sorti en 1997. On retrouve aussi Strippers, Root of Wallyville et My Way, qui n'a rien à voir avec le cultissime My Way, non, non. On a commencé ce bloc en live et on le finira en live avec Thin Lizzy et Got to Give It Up. C'est sur l'album Black Roses, A Rock Legend, sorti en 1979. C'est le 9e album de Thin Lizzy. On peut entendre Waiting for an Alibi, With Love et Terrace Street in Town, notamment. Thanks for coming. My favorite Motherfucking DA, motherfucking fuck it, they got no chance. You ain't got no money, you're fucked. Now this cell is my residence. My address is the road. 24-hour lockdown. When they'll kill me, who knows? Guilty! We be unfree! Dead man walking. Guilty! We be unfree! Dead man walking. I'm a genius from books now. Never read on the street. Never lifted a fucking weight. Now my body's concrete. 500 appeals or more. No response from the state. Get no phone calls or visits. My mentality's hate. When I was on the street, I had motherfucking boys. Where's my bitch? She won't even accept my fucking phone call. Yo, they better not let me up out this motherfucker. Yo, this shit's on. Fuck that word. I get visits from doctors analyzing the ill. Families pray for my death now. Vengeance lays for the kill. Guilty! We be unfree! Dead man walking. Guilty! We be unfree! Dead man walking. Does the defendant have any final words he would like to say to the court? Yeah, I got something I'd like to say. Yo, you judge, you a racist motherfucker. I feel like busting your motherfucking... Yo, let me go. I'ma kill every one of the jurors. If I ever get out of here, I'm coming one by one and blow your motherfucking brains out. You motherfuckers, yo, get your motherfucking hands off. Fuck that. So I think about my past now. My future holds only pain. Involuntarily drugged by the state for years. Now I know I'm insane. When I move shackled hands and feet, my skin's covered in ink. I read the Bible about 25 times. Now fuck God's how I think. You can save all that religious bullshit. Stay the fuck out myself. If that priest comes to my cell, I'ma bust him in a... I'll break your motherfucking neck with my bare hands. Fuck that. So live your life to the fullest. But remember, don't trip. One mistake, you're my neighbor. And there's no one here rich. Bring him in. Yeah, bring him in. Yeah, sit him now. Come here, you. Come here. Bend me, son of a bitch. Dead man walking. Guilty! We be unfree! Dead man walking. Guilty! We be unfree! Dead man walking. This is for all the people that do all these naughty things. You should do them. I have got to give it up. I have got to give it up. Oh, that's the... I have got to give it up. I have got to give it up. Oh, that's the way. to the end of battle. Jim in a sleazy bar. He tried hard, but his spirit broke. He tried until it nearly choked. But in the end, he lost his battle. Drinking alcohol. Got to give it up. Got to give it up. That's the. Got to give it up. Got to give it up. That's the. Told my brothers, trade to rage. Put pen to paper, but I would skate. I couldn't seem to get the words out late. Right. Wait, wait. Tell my sister, my singing slow. Now and then I powder my notes. But in the end, I lost the battle. Smashed in a cash bar. Got to give it up. Oh, that's the. Got to give it up. Oh, that's the. Up and it's wearing off. Jump, don't get too far. Tell my mama I'm coming home. And if I youth I will get low. And I think it's got control. Mama, it's got control. I've tried giving it up. It's rough. You got to give it up. Read all about it. Oh, that story that you give it up. Oh, yeah. Vous êtes toujours dans la 44e Vampire Freak sur votre radio favorite et c'est Spike qui débarque dans votre salon. Alors on vient de se faire un bon bloc là. Pinball Wizard en live des Who, Baby Hates Me de Duncan Jones, Struggling Youth de Israel Vibration, Dead Man Walking de Body Count et God to Give It Up, j'arrive jamais à le dire ça, de Sin Lizzy en live et en vinyle, ça croustille, ça cracouille, c'est excellent. On continuera cette émission avec Diabicidian et Oh Lord, c'est sur Arise sorti en 1978 en live. On retrouve aussi Demcom, Jalovs et Meditation notamment. Je passerai ensuite de Pastor of Disaster des Canadiens d'Annihilator, c'est sur Reflesh the Demon sorti en 1996, c'est leur cinquième album. On peut entendre aussi A Man Called Nothing, Reflesh the Demon et Voices and Victims, tout un gros programme. Je voulais vous remercier pour tous vos gentils messages que vous me laissez et les dédicaces que vous me demandez sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Cette semaine, j'ai Johan qui nous écoute à Nice via archive.org qui m'a demandé un grand classique, Dazed and Confused de Led Zeppelin. C'est sur le son tubeux. Song Remain the Same, sorti en 1969. On retrouve aussi Rock'n'Roll, Moby Dick et World Lotta Love, entre autres. Un top, top, top album. Bis à toi l'ami, et n'hésite pas, dis à tes potes de nous écouter. Tu leur dis de liker la page, et moi aussi je remercie tous les nouveaux auditeurs qui ont liké dernièrement, et je leur souhaite la bienvenue dans cette grande tribu qu'est la Vampire Freaks. Tiens, puisqu'on sera dans le classique de chez Classique, je diffuserai The Show Must Go On de Pink Floyd, c'est sur l'album The Wall, sorti en 1979, et adapté au cinéma en 1983. On peut entendre aussi In The Flesh, Another Brick In The Wall et Comfortably Numb, entre autres. C'est un double album. On a commencé ce bloc en live, alors on finira en live avec Megadeth et Angry Again. C'est sur Euthanasia, sorti en 1994. On retrouve aussi Train Of Consequences, Elysian Fields et Black Curtain, entre autres. Struggle, unity and love should bind us Take us out of this show.

show must go on. Vous êtes toujours dans cette 44e Vampire Fix et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de se faire Oh Lord en live d'Abyssinian, de Pastor of Disaster de Annihilator, Days and Confused de Led Zeppelin, de So Must Go On de Pink Floyd, et oui, il n'y a pas que Queen qui a écrit un So Must Go On, et Angry Again en live de Megadeth. On continuera cette émission en live avec Noir Désir et Ici Paris, c'est sur Tostaki, sorti en 1992. On peut entendre aussi One Trip, One Noise, Marlène et Tostaki notamment. J'ai envie d'un bon bloc de rock alternatif français. Dernièrement, j'ai un groupe du Puy-en-Velay, ma ville, qui m'a fait passer son nouveau single. Ce sont les Vedettes, un groupe punk, post-punk, avec une gratte électrique qui arrache le bitume. Leur album est en cours et je pense que je diffuserai d'autres morceaux. Je diffuserai ensuite Miss Killabang de Sandy Trash, c'est sur Outrageous Brune, sorti en 2014. On peut entendre aussi Jane B, Tequis et Strip, entre autres. J'adore cet album. Leur nouvel album, Tu veux monter dans le wagon, va sortir bientôt. Il sera disponible en téléchargement sur toutes les plateformes légales, en CD, mais aussi en cassette. Moi qui croyais que j'étais un ringard avec mon poste à cassette, finalement, je suis dans le coup. Comme vous le savez, je suis animateur radio, mais aussi interprète et auteur du groupe Morsène 43. D'habitude, je passe jamais mes chansons dans l'émission, mais là, c'était trop beau. Un groupe de chez moi, il fallait que je le fasse. Alors, je passerai Petite Brune Pétillante, un peu de tendresse dans ce monde de brut. C'est sur Chaos de l'Humanité, sorti en décembre 2015. On peut entendre aussi Attentat Rock, Politique Polémique et Un os dans les noces. Allez faire un tour sur la page Facebook de Morsène 43. Bon, c'est un peu compliqué, Morsène. C'est MORSCHEN 43. MORSCHEN 43. Dessus, il y a un lecteur Bandcamp qui contient les deux albums que j'ai fait et mon autre dernier single, Voiture de luxe et Kalachnikov, en téléchargement gratuit. Allez-y, faites-vous plaisir, c'est cadeau. Et on finira ce bloc en live avec Les Shérifs et Arrête d'aboyer. C'est sur Du Goudron et des Plumes, sorti en 1991. On retrouve aussi Pile ou Face, Ne comptez pas sur moi et À la poubelle, entre autres. We'll be right back.

ton déguisement de servante, tu es une maîtresse avisée. Ton sourire me hante et tes doigts congelés. Petite brune pétillante, tu m'as embarqué dans une histoire délirante qui dépasse la réalité. Je te vois enseignante, pas très bien éduquée. Il y a là William Grant et tes pieds glacés. Petite brune pétillante, tu m'as embarqué dans une histoire délirante qui dépasse la réalité. Je te vois déconnante devant un comptoir chromé. Tes soirées hilarantes, fais gaffe à ne pas sombrer. Petite brune pétillante, tu m'as embarqué dans une histoire délirante qui dépasse la réalité. Tu es bien trop charmante pour mon cœur surgelé. Pas assez aimante, c'est un autre que tu t'es donné. Petite brune pétillante, tu m'as embarqué dans une histoire délirante qui dépasse la réalité. Sous ton déguisement de servante, tu es une maîtresse avisée. Ton sourire me hante et tes doigts congelés. Petite brune pétillante, tu m'as embarqué dans une histoire délirante qui dépasse la réalité. Je te vois enseignante, pas très bien éduquée. Il y a là William Grant et tes pieds glacés. Petite brune pétillante, tu m'as embarqué dans une histoire délirante qui dépasse la réalité. Je te vois déconnante devant un comptoir chromé. Des soirées hilarantes, fais gaffe à ne pas sombrer. Petite brune pétillante, tu m'as embarqué dans une histoire délirante qui dépasse la réalité. Je lui ai même donné le trou qui est dans les temps. Et ce but est le plébat. Vous êtes toujours dans la 44e Vampire Freak sur votre radio favorite et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de se faire un bon bloc de rock français là. Ici Paris en live de Noir Désir, une nouveauté I Don't Wanna Be des Vedettes, Miss Killabang de Sandy Trash, Petite Brune Pétillante de Morsen 43 et on va finir en live avec les Shérifs et Arrête d'aboyer. On poursuivra en live avec Uprising de Muse, c'est sur De Résistance sorti en 2009. On peut entendre aussi Resistance, Guiding Light et MK Ultra, notamment. Je diffuserai ensuite Madness de Naman, c'est sur Deep Rocker Backyard, sorti en 2014. On retrouve aussi House of Love, Rebel for Life et One Day, entre autres. J'ai envie de live aujourd'hui. On s'écoutera Liberate de Slipknot, c'est du double album Live 9.0, sorti en 2005. On peut entendre Before I Forget, Left Behind et The Damnless, entre autres. Et on finira ce bloc en live et avec le grand classique Baggy Trousers de Madness, c'est sur Madstock. Sorti le 2 novembre 1992, on retrouve aussi One Step Beyond, My Girl, A House et plein d'autres. Stop decreating. It's all about humanness, all about my. I let the fullness get me, and people. In my brain, there is another. Human in a white coat of the control tower. Up in my system, a black is standing. Take away your pity from me, starry me and the veil. Because them said to mom and papa, when me went to downtown, be me the doctor behind the door. No, like this, yeah. Deeper than deep, no recovery for you, no. Tell me why me a down the dark to a gun. Why you know me life, me now move me a wine. What a drug me took while I batting me down. People, they might watch me, I'm not fool me, I hear them. Be down the man. Coming from the deep town, the sick number one. Just surely you perish me, a wicked hell wild. Take away your children when we call in a dance all alive. Stop many years from me squad. Ooh, hear me people man, man, man. In the side of ya. Ooh. Ooh, now know where me go. And then I give me a job. Give me a job. Can you hear this whistling? A little voice murmuring. Far but so close to me. I wonder if you talk to me. Moving inside and going outside. Run away from me before me kill another one. Give me drugs, I need it. I need some money, buddy. You know my musical addiction gonna strike it. And we do murder party with a mic in a rhythm. He's so ganja with diplomatic or a minute boy. Well, I remember every man that me a call in the area say, whoa, it's time for remember. Man, it's a richness, man, a warrior. Cause I am the daily tamer. No me the one that tell me doctor music. I'm a professor. Murder them. You know what's been in my murder. It's like a bullet. And put it up. No, my flu is all my power. It's burning down to ya. Like a really in a teen man dangerous. We don't know when we manage. I go drive the bus. Cause the devil have it hidden and meticulous. You better stop your science and stop your fuss. Cause we are blind and you see them. We don't have no bus. There is a million police and million men. We live up first. The root of the problem is my brain. There is another big man in a white cut of the control tower. Up in my system, a black fist steady. Take away your pity from me, story me at the village. Lay them self to mom and papa. When me went to downtown, we need a doctor behind the door. No, like this, yeah. Deeper than deep, no recovery for you, no. Man, man, man, this is the what fucking time it is now, don't you? It's time for everyone in Phoenix to chill. Come on. Come on. Come on. Oh my fucking God, look at that shit. Oh yeah. This is it. Here we go. Here we go. Here we go. Yeah. Yeah. Alors là, on vient de se faire un bon bloc là. Reprising en live de Muse, Madness de Naman, Pop Poubelle que j'ai oublié d'annoncer tout à l'heure de Metal Urbain, Liberate en live de Slipknot et Baggy Trousers en live de Madness. J'aime bien vous poser tout un tas de petits lives comme ça à la fin de l'émission. Et oui, cette 44e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi sur votre radio favorite. Cette semaine, je mets un nouveau temps générique. Ce sera Chevalier Crétin de Les Crétins des Alpes. C'est aussi le titre de leur 5e album sorti en 2016. On peut entendre aussi Rastafarian Reste à la Maison, Drogman et Le Tueur de Rongeurs entre autres. Il est en écoute sur toutes les plateformes légales. Allez faire un tour sur la page Facebook de Les Crétins des Alpes. N'oubliez pas, Les Crétins, L-A-I-D-S, Les Crétins des Alpes. Laissez-moi vos messages et dédicace sur la page Facebook de l'émission. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Salut à toutes et tous, la tribu ! Chante dame, gentille damoiseau, dans ton donjon, dans ton cachot, écoute le crétin dans ta sonneau. Ouais, tu pinaires, Chevalier Crétin, broqueur paladin, on s'en va défendre le peuple et l'orpheline. Chevalier Crétin, broqueur paladin, tous ensemble, Chevalier Crétin. Nous on n'a pas d'armure, on a nos pères clos, en guise de monture, on a que nos motos. On part à l'aventure et on monte à l'assaut, on chasse cette créature, princesse dans leur château. Chevalier Crétin, broqueur paladin, on s'en va défendre le peuple et l'orpheline. Chevalier crétin, broqueur paladin, tous ensemble, chevalier crétin. Plutôt que des épées pour tuer l'ennemi, une télécaster et un mésabouti. Pas plus de catapultes, mais une batterie qui envoie des boulets sous toi, public chéri. Croisade.